Il dort. Ça valait bien la peine de payer son trafic. Franchement. Oh non, il ronfle en plus. Chut. Où va-t-on? Quel respect. Chut. Non, silence. Silence. Non, vraiment. Il va bien pouvoir entendre, monsieur. Ça y est. J'entends rien. Non, bon, écoutez. Non, vraiment, ta gueule, vraiment. C'est pourtant clair, ça sera très n'importe qui. Bon, écoutez, on ne peut pas continuer dans ces conditions. Hein. Moi, je n'entends rien de la pièce. Elle est magnifique et je n'entends rien de la pièce. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Alors lui, même le plus grand des silences ne le réveillerait pas. Et puis il reste, on n'entend rien, il reste. Et... Franchement, pourquoi pas faire donner la cavalerie non plus, hein, je ne sais pas. Hein.